sommes des hommes de la même race. Aversés par le même sang, soulevés par les mêmes vents. Déclare le terre. Leur appart à pas, on t'accuse d'un frère, de crime inexistant. Ils accaparent le monde et personne ne le voit. Ils détiennent le pouvoir et suppriment nos droits. Notre race se lèvera, notre race se défendra, notre race se vengera, notre race l'exterminera. Les enfants, à leur avantage, les robes de ce patrimoine de bonne préparation. Favorise le métissage, mais le maternel, ils sont partout en blanc. Réveille-toi! Notre race se lèvera, notre race se défendra, notre race se vengera, notre race discriminera. Notre race se défendra, notre race se vengera, notre race s'exterminera.